Bon, vous m'avez envoyé bouler la première fois parce que vous aviez toute une théorie, mais cette fois-ci, vous n'allez pas y couper le mobile alors. Pour quelle raison pouvait-on ordonner le meurtre de Sarah Raison?